Hey, punk, punk. Écoute. Une aspie nocturne, du mal à dormir, c'est comme un combat. Tellement de fumée que la douleur je ne sens pas. J'ai quitté la lune, je me rapproche de Saturne. J'ai dû faire plus de 100 pas. J'ai marché dans la ville à la recherche d'une lueur. Les hommes deviennent aussi dans les bras de la fureur. Le faible prix pour cible confond amour et terreur. Regarde ma terre s'emballe. J'ai vu la face du monde à travers mon regard de gosse. Je vois tout le mal qu'il ponde à travers le regard de mes sosses. Y'a peu d'amour en bas, pour tous le même combat. Savoir et vivre ensemble, c'est toujours le même constat. Et c'est toujours les mêmes qui partent, jamais les mêmes qui reviennent. Conclusion, échec et mat. Quand j'ai passé un stade, je vois les rappeurs comme des chiennes. Indépendants comme ça, tirer mettre le feu sur scène. Ouais. Ils veulent du rap à l'ancienne, on va leur donner bien plus. Gros, cette musique c'est la mienne, on n'a pas fait les crevards pour quelques millions en plus. Je préfère rester à l'écart, assis seul au fond du bus. Eux ils nous prennent pour des taspés et confondent gentillesse et faiblesse. J'ai tellement de secrets s'ils le savaient. Une inspire nocturne, du mal à dormir, c'est comme un combat. Tellement de fumée que la douleur je ne sens pas. J'ai quitté la lune, je me rapproche de Saturne. J'ai dû faire plus de 100 pas. J'ai marché sans ma team à la recherche d'une lueur. Les hommes deviennent dociles dans les bras de la fureur. Le faible prix pour cible confond amour et terreur. Regarde ma terre s'emballe. Des fois je me comporte comme un gamin. J'oublie que certains proches ne seront peut-être plus là demain. Pour garder son courage, faut savoir le tenir dans les deux mains. La tristesse et la rage, c'est ce qui fait de nous des humains. Y'a pas de problème, y'a que des solutions. J'écris mes textes en quête d'absolution. Donc oui, toutes les nuits, moi je dors mal. Vu que l'avenir est bancal, j'ai tout confié à un psy, il m'a pris 200 balles. À qui veux-tu que je parle? Faudrait déjà faire confiance. Sur 10 personnes que j'aime, la moitié veulent ma chute. Ils sourient quand je m'égare, m'indiquent le mauvais sens. Connaissent tous mes problèmes, ce monde est une grosse pute. Et ils nous prennent pour des taspés et mélangent gentillesse et faiblesse. J'ai tellement de secrets, s'ils le savaient. Une inspire nocturne, du mal à dormir, c'est comme un combat. Tellement de fumée que la douleur je ne sens pas. J'ai quitté la lune, je me rapproche de Saturne. J'ai dû faire plus de 100 pas. J'ai marché sans ma team à la recherche d'une lueur. Les hommes deviennent dociles dans les bras de la fureur. Le faible prix pour cible confond amour et terreur. Regarde ma terre s'emballe. Du mal à dormir, c'est comme un combat. Tellement de fumée que la douleur je ne sens pas. J'ai quitté la lune, je me rapproche de Saturne. J'ai dû faire plus de 100 pas. J'ai marché sans ma team à la recherche d'une lueur. Les hommes deviennent dociles dans les bras de la fureur. Le faible prix pour cible confond amour et terreur. Regarde ma terre s'emballe.